Studek Web, il est 17h. Studek Web. Pour l'équipe de l'heure média, on se retrouve demain à 16h, puisque tout de suite, c'est le GPS qui débarque. Les uns. Studek Web, les infos. Les informations avec Johan Bredov. Bonjour. Bonjour. Un hommage légitime à un grand soldat. Les propos d'Emmanuel Macron sur le maréchal Pétain ont fait vivement réagir aujourd'hui. Alors que Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, dénonce une mauvaise polémique, le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, se dit choqué. Si Philippe Pétain a été un héros de la Première Guerre mondiale, c'est lui qui a mis en place le régime de Vichy en juillet 40. Il a présidé le gouvernement de la France jusqu'en août 1944. Fasciste, antisémite, Vichy a collaboré officiellement avec l'Allemagne nazie en arrêtant juifs et résistants notamment. Marseille, le procureur Xavier Tarabeux vient de débuter à l'instant à Point Presse. En fin de matinée, un sixième corps a été découvert sous les décombres des trois immeubles effondrés lundi. Les chances de retrouver des survivants sont minces. Par crainte d'un effet domino, les immeubles voisins ont été évacués. Brexit, Michel Barnier s'est exprimé sur Twitter sur les avancées des négociations avec Londres. Pour lui, il est clair que du travail est encore nécessaire pour arriver à un accord. Le négociateur européen est à Helsinki pour participer au congrès du Parti populaire européen dont il est vice-président. Aux États-Unis, Donald Trump devrait s'exprimer à la presse sur les résultats des midterms. Ce matin, il s'était déjà félicité de ce qu'il voyait comme une victoire. En effet, les républicains ont conservé et même renforcé leur majorité au Sénat. Et bien qu'ils aient perdu le contrôle de la Chambre des représentants, la vague bleue démocrate n'a pas eu lieu. La bourse de Wall Street, soulagée des résultats des midterms, démarre en hausse. Un congrès partagé a historiquement été favorable au marché des actions. Nous ne pensons assister à la même tendance cette fois, ont estimé les analystes de Deutsche Bank. Nicolas Mathieu remporte le prix Goncourt pour son roman « Leurs enfants après eux ». Le plus prestigieux des prix a récompensé un roman sur l'adolescence, un roman politique et social. Le prix Renaudot a lui aussi été attribué et c'est le sillon de Valérie Manteau qui a été choisi. Ce livre évoque Randing, journaliste et militant de la cause arménienne. Il avait été assassiné par un nationaliste turc. Météo maintenant, le temps sera maussade ce soir avec de la pluie sur la majeure partie du pays. La pluie touchera le nord, le nord-est ainsi qu'une grande partie du sud. Il fera 11 degrés sur la capitale, 6 à Aurillac et 15 à Nice. C'est l'heure du drive avec Dove sur Studek Web. Merci Johan, prochain Flash Info à 17h20. Bonjour madame, mettez-vous sur le bas-côté s'il vous plaît, coupez le contact. Monsieur l'agent. Merci de coopérer madame, vous savez pourquoi je vous arrête? Non, j'ai pas fait d'infraction. Alors, on m'a signé dans le toki que vous n'étiez pas sur la bonne station de radio madame. Bon, ça ira pour cette fois, hein. Circulez. Qui de mieux que Dove, Rémi et Romain pour te raccompagner chez toi? Du lundi au jeudi de 17h à 18h, tout roule dans le GPS sur Studek Web. Bonsoir, bienvenue dans le Grand Prime Studek. C'est Dove, je suis avec toute l'équipe du GPS. On est là jusqu'à 18h, on vous lâche pas. Si vous êtes sur les routes, vous rentrez du taf, des cours, on vous accompagne jusqu'à chez vous. In the studio, si je me lance à l'anglaise. Salut Romain. Et salut Dove, salut tout le monde. Oui, effectivement, on a Rémi aussi avec nous. Salut Dove, salut Romain, salut tout le monde. Le GPS, c'est tout nouveau, ça vient de sortir lundi et ça porte très bien son nom. On vous donne les infos trafic en direct. Je dis excuse-moi, Luna, Luna va s'en charger. Je ne t'ai pas encore dit bonjour. Bonjour tout le monde. Ça, il faut Luna. Toujours dire bonjour. Elle doit penser quel goujat. Quel goujat. Ça commence très bien. Ça commence bien, comme on dit. Romain, tu vas nous faire découvrir un artiste. Exactement, exactement. Dans le Vinyl Story qui sera à suivre dans moins de 10 minutes maintenant. Et Rémi, t'es plutôt livre, ouais, je crois. Oui, on va revenir sur l'historique des prix qui ont été remis toute cette semaine, tout ce début de semaine. Bah parfait, on a déjà hâte, moi j'adore. Et si vous préférez quelque chose d'un peu plus peps, si vous êtes fan de musique, on écoutera Slimane. On aura des choses qui bougent un peu plus de Prince Karma pour vous. De Prince Karma, c'est le prochain son qu'on vous passe, mais avant, on a des cadeaux à vous offrir. Vas-y chérie, c'est bon, ça passe. Ça passe, ça passe. Ça passe pas. Ça passe. La marche arrière sur Studek Web. Ça va encore me coûter une blinde en carrossier, cette histoire. Les cadeaux, qu'est-ce qu'il y a à gagner, Rémi, dis-nous tout. Alors, laissez-moi avant toute chose vous expliquer ce qu'on attend de vous dans ce jeu de la marche arrière. Tout au long de l'émission, je vous dévoilerai des indices qui doivent vous permettre de retrouver une année en particulier. Si vous retrouvez cette année, vous repartirez alors avec un pack Studec Web et une visite de nos studios, histoire de découvrir les coulisses de l'émission. Ça ne vous laisse pas indifférent tout ça, hein ? Donc, ouvrez grand les oreilles, voici le premier indice. Je demande la parole. Qu'est-ce que c'est que cette musique ? Un incompris Schubert. Bon, et moi alors ? Qu'est-ce que je deviens avec vos conneries ? Pascal, il faut que je te parle. Il fait chier, votre Schubert, vous comprenez ? Vous vous souvenez, Trop belle pour toi, un film avec Gérard Depardieu, Carole Bouquet, Josiane Balasco. Alors, il est sorti quand ce film ? En quelle année précisément ? Vous avez la bonne réponse. Vous vous connectez d'ores et déjà sur notre page Facebook Studec Web et vous nous laissez votre numéro de téléphone par message privé. Vous ne vous rappelez plus de l'année ? Pas d'inquiétude, d'autres indices sont à venir. Bonne chance. Merci Rémi. Perso, j'ai pas encore la réponse, mais pas d'affalement. Vous avez le temps, vous aussi, pour trouver la réponse. En attendant, je sais pas si c'est la musique la plus calme, la plus adaptée pour vous aider à réfléchir. Mais en tout cas, The Prince Karma, cet artiste, on l'adore. Et c'est Leather Beat Bitches sur Studec Web. What the hell do you mean? I've got a waiting line. This is complete and total bullshit. I show you my tits, will you let me in? Can you just take another drink with me? Thanks. Later, bitches. Bitches. Jour, nuit. Ah, c'est pas vrai, qui sait qu'a encore coupé la lumière? Voilà, c'est mieux, ça éblouit. C'est l'heure de plein phare sur Tudec Web. Rémi, nos phares sont braqués sur la littérature aujourd'hui. Oui, exactement, Dov, puisque depuis le début de la semaine et ce jusqu'à aujourd'hui, sont attribués, sont décernés des prix, les fameux prix littéraires. Si je vous parle du Goncourt, du Médicis, du Renaudot ou encore du Fémina, ça vous dit au moins quelque chose. Sans doute, moi, je me souviens à ce propos des discussions que notre prof de français pouvait avoir avec nous le vendredi matin après avoir regardé l'émission littéraire La Grande Librairie, la veille au soir. Qu'avez-vous pensé de ce qu'a dit tel ou tel écrivain? Son œuvre méritait-elle une telle récompense? Ou ce prix en particulier? Et c'est en me replongeant dans ces bons souvenirs de lycéens que je me suis dit « Mais Rémi, il y a quand même un truc qui t'échappe là. Des échanges sur les lauréats, tu en as eu plusieurs fois, mais pourquoi n'as-tu pas cherché l'origine de cette semaine spéciale prix littéraire? D'où est-ce que ça nous vient? » Alors entre-temps, vous vous imaginez bien, j'ai fait quelques recherches et figurez-vous que c'est quelque chose d'unique dans le monde. C'est une spécificité française. Je sais pas vous, mais voici d'ores et déjà une première chose que j'ignorais. Maintenant, si on cherche à savoir pourquoi, il faut qu'on remonte le temps jusqu'à la Renaissance où il était organisé des concours floraux, c'est-à-dire des concours de poésie. Tiens, ça rappelle aussi l'enfance, c'est ça. C'était des sortes de joutes organisées qui existaient déjà au Moyen-Âge et le meilleur compétiteur y était désigné. On peut qualifier ça de première étape vers les prix littéraires actuels. Et la deuxième serait la création de prix de commémoration à partir du XVIIe siècle. Ce n'est donc pas quelque chose de tout récent. D'accord, mais t'entends quoi par prix de commémoration au juste? Alors tu fais bien de me demander quelques précisions et ça va peut-être vous paraître quelque peu étrange, mais ce sont des prix de fondation comme celui de l'Académie française où des personnalités donnent leur fortune pour célébrer leur nom, leur œuvre. C'est le cas des frères Goncourt en 1903, mais ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est l'émergence des prix d'automne. Un an après le prix Goncourt, c'est le prix Fémina qui voit le jour avec une certaine revendication quand même, hein, celle de l'accès des femmes à la reconnaissance. En 1926, le prix Renaudot et en 1930, le prix Interallié décerné par les journalistes. En 1958, le prix Médicis et on peut également ajouter le grand prix de l'Académie française du roman. Et l'impact de ces prix sur les ventes de livres dans tout ça? Patience, j'y viens. Si on part du principe que le tirage moyen de livres en France a du mal à dépasser les 5000 exemplaires, les ouvrages qui sont primés se vendent par centaines de milliers. Pour vous donner une idée, la moyenne des ventes entre 2012 et 2016 pour le prix Goncourt est de 398 000 exemplaires, ce qui est considérable. Le bandeau rouge est donc un marqueur fort, essentiellement pour les fêtes de fin d'année, et les chiffres le confirment. Les trois derniers mois de l'année représentent 55% des ventes annuelles de livres. Merci Rémi, tu nous apprends toujours des choses intéressantes et surtout sur les livres. Merci encore. Bonjour monsieur. Bonjour madame, je peux faire quelque chose pour vous? Oui, j'ai une envie de vinyle. Ah, vous avez frappé à la bonne porte. Je connais quelqu'un qui peut vous aider. Dans le Vinyl Story, aujourd'hui un artiste house des années 90, le roi du breakbeat. Romain, de qui s'agit-il? Eh oui, je vais vous parler plutôt d'Armand Van Helden, à ne pas confondre avec le DJ Armin Van Buren, rien à voir, puisque lui se spécialise dans la trance. Alors Armand Van Helden est un DJ américain, originaire de Boston. À 13 ans, il s'achète sa première boîte à rythme et 2 ans plus tard, il se met au mix. Alors, n'étant pas assez professionnel dans ses projets musicaux et n'ayant aucune popularité dans le monde de la musique, il fait des études pour devenir conseiller juridique et commence à travailler sur le côté pour payer son école et mixe en même temps dans les clubs de la ville la nuit. Donc, très peu de repos pour Armand durant cette période. Et au bout de 2 ans, il commence à en avoir marre de cette situation et décide d'arrêter son métier de conseiller pour se consacrer uniquement à sa passion, la musique électronique. Alors, il devient au bout de quelques mois le DJ résident dans une des boîtes les plus réputées de Boston, le Loft, où il commence à se faire un nom. Mais le Armand, au bout d'un moment, en a un peu marre de devoir jouer la musique des autres et il veut diffuser des créations personnelles. Il se met donc à la production musicale et là, la galère se termine pour le DJ puisqu'en 1991, il sort son premier single, Stay On My Mind. La voix vous dit peut-être quelque chose, mais vous savez que vous n'avez jamais entendu cette musique. Eh bien, c'est possible, puisque le DJ Don Diablo a récemment samplé l'a cappella de ce titre pour son titre On My Mind. Comme quoi, Comme quoi, Armand Van Helden, même s'il n'est plus autant populaire qu'avant, continue de faire vivre la musique électronique. En 1998, le destin d'Armand va changer puisqu'il sort son album de house et breakbeat Too Future For You. Classé 39e en Belgique, 30e en France et 22e aux charts au Royaume-Uni, il popularise la musique house à travers l'Europe. Le hip-hop, alors en effervescence durant les années 90, aide le style breakbeat d'Armand à devenir le style de musique urbaine électro-populaire à travers l'Europe. Le titre Flowers est un des titres phares de son album. Mais le titre qui a réussi à conquérir les clubs espagnols est le titre Entra mi casa. De nombreuses productions de cet album sont encore utilisées, notamment par le DJ français Bob Sinclair, qui utilise énormément le titre You Don't Know Me. Qui a été repris par Armand Van Helden dans You Don't Know Me. Un sample donc de Carrie Lucas, Dance With You. Titre que l'on va écouter tout de suite. On va se faire plaisir avec ce titre, c'est moi qui vous le dis. You Don't Know Me d'Armand Van Helden sur Studek Web. Très belle découverte, Romain. Tu me fais voyager H24, vous aussi, j'espère, et tu le feras encore tout à l'heure. Tu vas nous parler de Tel Aviv. Exactement, oui, pour la boîte à gants. Ouais, parce qu'on a besoin de soleil. On a besoin de soleil, on a un temps pluvieux sur Paris. Vous faites quoi quand il pleut d'ailleurs? Parce que j'ai oublié de le dire, mais on a des réseaux, on a la page Facebook si vous voulez. Vous envoyez vos messages et on les lit, c'est direct. D'ailleurs, les réseaux où on nous dit restez comme vous êtes, on adore, c'est Camille Honnête. Eh ben voilà, on a déjà des messages, voilà. Je vous laisse aller voir ça. On va suivre le jeu de la marche arrière avec le pack Studek Web à gagner. À tout de suite. Tous les jours, à 18h, la rédaction de Studek Web revient sur l'actualité avec un point complet sur l'info dans Studek Soir. Bonsoir à tous. Bienvenue dans Studex Soir, votre tranche d'infos quotidienne. Merci d'être avec nous. Après le journal, retrouvez tous les résultats sportifs. Les idées sorties, la météo. Sur la Bretagne, quelques gouttes de pluie pourront faire leur apparition en fin de soirée. Pour les températures, elles sont dignes d'un mois de septembre, avec des valeurs comprises entre 12 et 19 degrés. Studex Soir vous donne des conseils et vous éclaire sur l'actualité. Studec Web, les infos. 17h20, les informations avec vous, Morgane Thomas, bonsoir. Bonsoir Dove et salut tout le monde. Édouard Philippe en Corse avant la fin de l'année. Quel statut pour les changements accordés dans la prochaine réforme constitutionnelle? Les élus nationalistes attendent des avancées sur l'île de Beauté. En attendant, le gouvernement garde le cap et confirme les 2,6% de déficit public en 2018, soit 80 milliards d'euros. Une prévision plus optimiste que le prévoyait la loi finance. Les économies ne doivent pas avoir de conséquences sur les dépenses des ministères, selon le conseil réuni aujourd'hui à Charleville-Mézières. Charleville-Mézières, où Emmanuel Macron est attaqué de toutes parts. Hausse du carburant, hommage à Pétain pour le centenaire de la Première Guerre mondiale. La colère monte lors des bains de foule du chef d'État. « Je ne pardonne rien, je ne gomme rien de notre histoire », se défend le président. Mais l'opposition ne se gêne pas, de Jean-Luc Mélenchon à Benoît Hamon en passant par Florent Philippot, fondateur du parti Les Patriotes, qui déclare, je cite, « Réhabiliter Pétain est une impossibilité morale et historique ». Donald Trump passe à l'offensive après les résultats du mi-mandat. Les démocrates ont reconquis la Chambre des représentants. Un verdict partagé puisque les républicains ont conservé le Sénat. Trump qui sera à Paris ce dimanche pour la commémoration de l'armistice. Il y rencontrera Poutine pour une brève discussion selon le Kremlin. Vote dans le calme à Madagascar. 10 millions d'électeurs appelés aux urnes pour élire un nouveau président. En 15 ans, coup d'état, destitution se sont enchaînés dans la grande île. 36 candidats sont aujourd'hui en lice. Prix réduit pour remplir le stade du 15 de France, 25 euros au lieu de 50 pour le match France-Afrique du Sud prévu ce samedi. Des billets à moitié prix pour un public qui boude le vallon ovale. On jette un coup d'œil au temps maintenant. Et oui, la pluie qui s'invite sur les plaines d'Alsace, jusque-là épargnée. Demain, la perturbation s'évacue, mais les averses vont arroser principalement l'est de la vallée du Rhône. Partout ailleurs, le soleil reste timide. Dans la matinée, on attend du brouillard en région parisienne, alors prudence. Et puis le thermomètre affichera jusqu'à 14 degrés près de la Méditerranée. Merci Morgane. Prochain rendez-vous sur l'info avec les titres de Studex Soir à 17h40. Studec, l'infotrafic. Toutes vos infos sur les routes, c'est avec toi Luna. Bonsoir Dave. Alors attention pour les automobilistes, des travaux ont lieu sur l'A15. Ils font coûter 15 minutes de plus entre Cergy et l'A86. Pour rejoindre Paris, il vous est donc conseillé d'emprunter la N184 et l'A13 ou bien la N104 et l'A1 pour rentrer dans la capitale. Du côté de Choisy-le-Roi, un point lourd en panne a été détecté. Cet incident risque de ralentir le trafic, mais patience, l'évacuation du véhicule est en cours. Et pour ceux qui préfèrent les transports en commun, le trafic est ralenti sur la ligne 6 suite à un bagage abandonné. Pas d'inquiétude, le trafic reprend progressivement. Rendez-vous à 17h30 pour un nouveau point sur la circulation. Merci Luna, le retour de vos infos sur les routes, c'est dans moins de 10 minutes. Vas-y chérie, c'est bon, ça passe. Ça passe pas. Ça passe. La marche arrière sur Studec Web. On va encore me coûter une blinde en carrossier cette histoire. Pour vous qui venez peut-être de nous rejoindre, c'est l'heure de jouer. En quoi consiste ce jeu, Rémi? Eh bien, pour ceux qui nous ont rejoint à l'instant, le jeu de la marche arrière, Dove, ce sont des indices que je vous donne tout au long de l'émission et qui vous permettent de retrouver l'année que nous recherchons aujourd'hui. Le premier indice était un extrait du film « Trop belle pour toi » avec Gérard Depardieu. Je vous propose maintenant le deuxième indice. Au début de l'année que nous recherchons, les Catalans perdent un maître à la moustache, celui du surréalisme excentrique provocateur qui a rebaptisé la gare de Perpignan comme le centre du monde. Amoureux aussi de sa muse gala, je vous parle bien sûr de Salvador Dali. Le musée Dalí à Figueras, sa maison de Portlligat à Cadaqués se visite et sont vraiment à voir. En quelle année est décédé Dalí à Figueras et en quelle année est sorti le film Trop belle pour toi? Si vous avez déjà la réponse, vous vous rendez sur la page Facebook de Studec Web et vous nous envoyez votre numéro de téléphone par message privé. Si vous n'êtes pas encore sûr d'avoir la bonne réponse, d'autres indices devraient vous aider tout à l'heure. La sortie du film Trop belle pour toi et la mort de Dalí, ça devrait être pas mal pour vous aiguiller. Merci Rémi. On écoute Slimane. Si vous nous rejoignez, je nous présente. On est le GPS, Grand Prime Studec. On est là de 17h à 18h sur Studec Web. Bon plaisir. Ils pourront tout nous enlever. Ils pourront bien essayer de nous monter la... l'un contre l'autre, à contresens pour qu'on se vautre. Ils pourront nous raconter qu'on a eu tort, qu'on s'est trompé. Ils pourront pointer du doigt, pointer l'amour coupable de quoi. Viens, on s'aime. Viens, on s'aime. Belle. Priez pour qu'on abandonne, qu'il y ait une nouvelle donne. Ils pourront bien nous avoir, le temps d'un doute, le temps d'un soir. Mais après la peine et les cris, sèche les larmes qui font la pluie. Viens, on s'aime. Viens, on s'aime. Vous écoutez le GPS sur Sudek Web, bienvenue au nouveau. Le jeu de la marche arrière revient très vite, la boîte à gants arrive. Romain, qu'est-ce que c'est? Eh ben la boîte à gants, bah c'est très simple, c'est je prends un objet dans ma boîte à gants et aujourd'hui déjà, il faut l'ouvrir. Oui, donc j'ouvre la boîte à gants, je prends mon objet, je vous parle un peu de l'objet et aujourd'hui ça concerne les voyages et donc je vais vous en parler dans moins de 10 minutes maintenant. Parfait, on a une page Facebook avec toutes vos réactions. Voilà, qu'est-ce qu'on a de beau, Rémi ? Une page Facebook où on nous dit « Vous êtes au top, on vous écoute dans la voiture et dans les bouchons, vous nous aidez à trouver le temps moins long. Merci les gars. » C'est Dorian qui nous dit ça. Et bah moi, il y a Thomas, je suis d'accord avec lui, qui nous dit « Quel plaisir d'entendre du Armand Van Helden, merci les gars. » Et bah, merci à toi. Mais c'est vrai que tu nous as fait découvrir cet artiste, moi je ne le connaissais pas. Moi non personnellement, plus. Absolument je ne sais pas. Luna, tu connaissais cet artiste ? Absolument pas. Bah voilà, bah tu sais quoi, tu nous fais découvrir à nous tous, tu nous fais découvrir aux auditeurs aussi, j'espère. Ouais, une vraie comme, découverte. Comment, Thomas ? Comment ? Thomas qui s'appelle ? Thomas, exactement. Bah écoute, Thomas. Ravi de te faire découvrir ça, Thomas. Si vous n'avez pas de compte Facebook, créez-en un, vraiment ça vaut la peine, on lit vos messages. Camille qui nous dit bonsoir, bonsoir Camille. Rémi qui nous dit trop lol. Oh là c'est là. Pas moi. C'est, ça peut pas être toi. Je vais essayer de le comprendre, mais effectivement, ça doit pas être toi. Voilà. Non, pas du tout. C'est pas mon genre. Bien. Lundi prochain à 15h, Studek Borderline prendra le contrôle des studios. Il y aura Impact Studek Web et la visite des locaux dans le jeu des poupées russes. Vous pourrez participer au sondage avec Hugo, Antonin et Mona. Il y aura la chronique urbaine et plein d'autres surprises. C'est lundi 15h dans Studek Borderline. Studek, l'infotrafic. 17h30 sur Studek Web, c'est votre point trafic. Luna, comment elle évolue la circulation ? Eh bien, le camion en panne au niveau de Choisy-le-Roi a été évacué. Le trafic reprend progressivement son cours. Attention pour les automobilistes qui voudraient rejoindre Paris, des travaux ont lieu sur l'A15 et provoquent un trafic très dense. Il vous est donc conseillé d'emprunter la N184 et l'A13 ou bien la N104 et l'A1 pour rentrer dans la capitale. Rien à signaler du côté de la RATP, en revanche les travaux en cours sur la ligne L du Transilien sont toujours en cours. De nombreux trains sont supprimés entre Noisy-le-Roi et Saint-Germain-en-Laye. On se retrouve dans 10 minutes pour un nouveau point. Merci Luna, prochain point sur les routes dans moins de 10 minutes effectivement. Bonjour madame, mettez-vous sur le bas-côté s'il vous plaît, coupez le contact. Monsieur l'agent. Merci de coopérer madame, vous savez pourquoi je vous arrête? Non, j'ai pas fait d'infraction. Alors, on m'a signé dans le toki que vous n'étiez pas sur la bonne station de radio madame. Bon, ça ira pour cette fois, hein. Circulez. Qui de mieux que Dove, Rémi et Romain pour te raccompagner chez toi? Du lundi au jeudi de 17h à 18h, tout roule dans le GPS sur StudiaQuem. 17h30, vous écoutez le GPS et Dove, je suis avec Romain le Breton. Eh oui, le Breton, c'est moi. Voilà. Rémi, le Catalan. Oui. C'est un petit choc des cultures, on peut le dire. Ah oui, carrément. Et Luna, la camionneuse. Et non, parisienne et italienne, c'est déjà bien. Hein. Mais on a tout. Moi aussi, je suis Breton, je suis comme Romain. On est donc deux Bretons, un Catalan. Un Catalan. Non, mais j'ai compris, je suis la seule fille, c'est moi qui prends, c'est pas grave. Non, mais c'est sympa, on t'aime bien quand même. En tout cas, bien. On t'aime bien quand même. Moi, ce que j'aime bien, c'est le quand même. Non, mais on t'aime ouais, quand même. Ouais. Non, mais tu fais partie de l'équipe. En tout cas, bienvenue. Si vous venez d'arriver, le GPS, c'est nouveau. La première a eu lieu lundi, c'était super, c'est de mieux en mieux, je trouve. Enfin, une fille dans l'équipe, on peut le dire, Luna, justement. J'en suis très fière. Bah oui, lundi, on a eu Tony avec nous. Mardi, on a eu Kevin. Ouais. Ouais, exactement. Et c'est donc la première fille à nous rejoindre. Voilà, côté musique, on écoutera les Village People. Ça replonge dans le temps, ça. Moi, je vois Romain danser, même moi, j'adore. Voilà. J'aime bien faire le symbole comme ça, YMCA. YMCA, bah, la célèbre danse. Ah oui, carrément. On aura Walk of the Earth aussi. C'est un son planant, ça, j'adore. J'adore. C'est un peu le même style que ce que tu nous as fait découvrir. Hein. Armand Van Helden, tu trouves? Ouais. Non, je suis pas sûr. Mais le style musical, c'est planant. Mon Armand était planant également. Ouais. Si on compare avec YMCA, c'est sûr. Mais... Ouais. Bon, bah, très bien, excusez-moi. Peut-être que je me trompe. En tout cas, bienvenue dans le GPS. Vas-y, chérie, c'est bon, ça passe. Ça passe. Ça passe pas. Ça passe. La marche arrière sur StudiaQuem. Ça va encore me coûter une blinde encore aussi à cette histoire. C'est l'heure de vous donner le troisième indice du jeu de la marche arrière. Quel est-il, Rémi? Alors, Dove, avant de vous dévoiler le troisième indice, je vais quand même vous redonner les deux premiers dont vous disposez déjà. Le premier, c'est un extrait du film Trop belle pour toi. Je demande la parole. Qu'est-ce que c'est que cette musique? Un incompris de Schubert. Bon, et moi alors? Qu'est-ce que je deviens avec vos conneries? Pascal, il faut que je te parle. Il fait chier, votre Schubert, vous comprenez? Et le deuxième, c'est l'année de la disparition de Salvador Dali. Dali mourait donc cette année-là quand en France était diffusé pour la première fois sur TF1 ceci. Il s'agit bien sûr du générique de la série TV Navarro, avec dans le rôle du commissaire Navarro, l'acteur Roger Hanin qui nous a quittés en 2015, 19 saisons et plus de 100 épisodes qui mettent en scène les enquêtes de Navarro. Vous avez maintenant 3 indices, c'était en quelle année le lancement de la série Navarro à la télé? Vous le savez, rendez-vous sur la page Facebook de StudiaQuem pour nous laisser votre numéro de téléphone en message privé. Il n'y a plus qu'à, et à vous souhaiter bonne chance. À tout à l'heure pour un quatrième indice. Je récapitule, nous recherchons l'année de sortie du film Trop belle pour toi, la mort de Dali et de la diffusion de la série Navarro. Bonne chance à tous. Ah, c'est le bazar là-dedans. Peut-être ranger un jour. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. La boîte à gants, c'est sur StudiaQuem. Vous avez tous des boîtes à gants dans vos voitures. Et dans toutes, sans aucune exception, vous trouverez des choses formidables, des choses cachées. Romain, qu'as-tu trouvé dans la tienne aujourd'hui? Eh bien moi, quand j'ai ouvert ma boîte à gants, j'ai trouvé un billet d'avion pour Tel Aviv. Très belle destination. Eh oui, exactement. Alors je pense que bon, tout le monde l'a un peu remarqué, il commence à faire frais, le mois de novembre est bel et bien lancé. Donc question voyage, surtout pour ceux qui veulent du soleil, bronzette, souvenirs d'été, ça risque d'être compliqué. Mais attention, rien n'est jamais perdu, il y a toujours un endroit ensoleillé sur Terre, même en novembre. Alors si vous voulez retrouver toutes ces sensations, qu'importe les mois de l'année, je vous invite à aller en Israël. Un voyage entre quête spirituelle et vacances, il y a tellement de choses à faire là-bas. Le marché aux puces de Jaffa, les nuits folles de Tel Aviv, plonger dans les eaux chaudes de la mer Rouge, prendre de la hauteur sur le plateau de Golan, faire un trek dans le Negev. Bref, vous aurez accès à toutes ces activités, ces paysages, ces coutumes et toutes ces sensations en à peine 4 heures de vol. Ouais, ça n'a pas l'air comme ça, mais Israël, c'est 4 heures de vol. C'est pas si loin que ça, finalement. Et pour des vacances tout compris d'une semaine, il faudra vous acquitter entre 1000 et 1500 euros, ce qui équivaut à plusieurs semaines de camping en France. Je sais que des vacances dans le sud m'ont coûté plus cher que ça, donc bon, rapport qualité-prix, je pense qu'on est plutôt pas mal. Et puis, qui n'a jamais rêvé de se coucher sur une terrasse avec la mer en face de lui, le coucher de soleil, la chaleur, le paysage israélien en face de soi? Donc, vous prenez l'avion à Orly, au bout de 4 heures de vol, vous êtes enfin arrivé en Israël, à l'aéroport Ben Gurion, à Tel Aviv. Et là, vous vous dites, bon, on fait quoi? Eh ben, d'abord, je vous conseille de trouver un hôtel sympa pour la semaine, comme le Brown Lighthouse Hotel, situé dans le centre de Tel Aviv. Ou alors The Setag, un hôtel 5 étoiles dans la vieille ville. Et puis après s'être installé, il sera sûrement temps de manger un petit morceau. Alors je vous conseille de déguster des falafel pita chez Falafel Gabi, rue Bograchov. Ou alors manger typiquement israélien chez Itzik Agadol. Et puis si vous voulez profiter du soleil pour faire les boutiques, eh bien allez faire vos emplettes au Chouk à Carmel. Et puis pour terminer cette première journée, je vous conseille d'aller sur la plage à Hilton Bay, juste en face de l'hôtel Hilton, sous les sons Deep House du DJ présent, ainsi que du coucher de soleil. Magnifique. Mais la journée est loin d'être finie, puisqu'à Tel Aviv, il est possible de se promener dans les quartiers Neve Tzedek et les rues Shabazi, qui est rempli de boutiques tendances et de bars branchés. Et puis pour clôturer cet après-midi, laissez-vous emporter par le Dizzy Bar sur l'avenue Dizengoff, dans le centre de Tel Aviv, pour déguster un excellent cocktail. Et puis pour le dîner, je vous donne rendez-vous au restaurant Messa, dans le quartier de Sarona, un des restaurants branchés de Tel Aviv, ou encore se laisser emporter et conduire à Asalon, puisque le chef Eyal Shani tient les commandes de la cuisine les mercredis et jeudi soir. À partir de 23h, l'ambiance est de feu, et dès que la nuit commence à tomber, je vous conseille d'aller au Rooftop IQ au 18e étage. Ce bar vous offre l'une des meilleures vues de Tel Aviv, et en saison d'été, le club Désert vous attend, situé à 15 minutes de Tel Aviv. Il accueille chaque soir 5000 personnes et reçoit les plus gros DJ internationaux. On pourra ensuite finir sa nuit au club After ou au Breakfast, situé sur l'avenue Rothschild, et vous aurez compris alors que Tel Aviv, le Miami israélien, ne dort jamais. Alors, est-ce que je vous ai donné envie d'aller en Israël, les garçons? Ah bah oui. Alors là, mec. Ah bah là. J'avais jamais vu quelqu'un racontait autant en détail ce que tu as déjà fait, je suppose. Oui, eh bien, oui, c'est ça. Et donc, je vous ai proposé une journée type qu'on peut faire à Tel Aviv, notamment. Ah bah, une grosse journée, là. Là, on est quoi, grosse, une bonne grosse journée. Ouais, exactement. Il y a pas mal de trucs, quoi. Toute une semaine. Moi, l'endroit le plus loin où je suis déjà allé, c'est en Belgique. Ah oui, d'accord. Donc, c'est pas trop le même délire. C'est pas le même délire. Et moi, je suis pas sorti de ma Catalogne natale. Bah après, tu me diras, au niveau des températures, Catalogne, Israël, je pense que On est pas loin, ouais. Excusez-nous, on a un gros fou rire. Luna, t'as déjà voyagé comme ça? Est-ce qu'il t'a donné envie d'aller voyager aussi? Il m'a donné très envie, surtout la mer Rouge, j'irais. Voilà. C'est vrai que la mer Rouge, c'est hyper sympa. Ouais, ça flotte et tout, il paraît que c'est impressionnant quand t'es dedans. Bah, c'est la mer, quoi. Bah non, mais avec le sel, parce qu'elle est très salée. Oui, la mer morte, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah non, c'est pas, je me suis perdu là. Bah écoute, merci Romain. En tout cas, de rien. C'était très sympa. J'espère que vous aussi, Romain, vous a donné l'envie d'aller à Tel Aviv, capitale de l'Israël. Ne manquez pas votre rendez-vous culture tous les jours sur Studek Web, mais attention, uniquement de la culture borderline. À la carte, une bonne dose de culture, de l'urbain, des infos, des sorties ciné et séries, le jeu des poupées russes, de la bonne musique uniquement, et bien sûr, vous. Eh, ça va être trop bien, je te jure, frérot. Vous voulez passer une heure à vous cultiver dans la joie et la bonne humeur? Alors soyez à l'heure pour le Studek Web Borderline, 15h, 16h pour Studek Web. Sur Facebook, vous réagissez, on vous a donné le lien pour aller sur Facebook, l'idée. Vous nous envoyez des messages, on est là avec vous, vous êtes avec nous. Vous nous envoyez des messages, on les lit en direct, il y a pas mal de messages qui arrivent. Rémi, qu'est-ce qu'il y a de beau, qu'est-ce qu'il y a de beau? Alors on a notamment Hugo96, enfin le GPS et ses cadeaux, ils sont pour moi, ne vous inquiétez même pas pour ça. Je suis pas sûr parce que t'en as d'autres qui ont déjà trouvé la réponse. Ah bah oui, ils sont nombreux. Hein. Oui, René a déjà trouvé la réponse. Et je rappelle, attention, le jeu, on ne l'a pas dit. Si vous êtes en voiture, faut surtout pas nous appeler, vous vous garez gentiment. Oui, sur le bas-côté. Faut pas hésiter à se garer. Si vous avez moyen de gagner un pack sur les web et la visite de locaux, vous venez nous voir, ça peut être très sympa. Je sais que Romain adore faire visiter les locaux. Ah, exactement, c'est mon passe-temps favori. Tiens, là il y a ça, hop, là il y a ça, hop, coucou. Tu vois, tu montres comment on utilise un studio et c'est comme ça qu'on fait. En tout cas, merci pour vous, merci à vous de réagir si vous avez des insolites. Apparemment, Grégoire qui est bloqué sur l'A46 a deux chèvres qui bloquent son autoroute. Alors écoute, c'est sympa, c'est une info toujours bonne à prendre. Mais je ne sais pas comment ça arrive, mais c'est sympa, c'est ça qui est cool. Ce que j'aime bien dans cette émission, c'est qu'on reçoit des infos de vous. Et c'est cool parce qu'on fait la route ensemble. Et savoir qu'il y a deux chèvres qui bloquent quelque chose. Bon, effet, bon, vous savez quoi, ça part un petit peu trop loin cette histoire. (rire) 17h40, les titres qui seront développés dans Studex Soir avec Tony Boulanger. Bonjour Tony. Bonjour Dove, bonsoir à tous. Dans Studex Soir, présenté à 18h par Valentin Pat, nous reviendrons sur les propos du président à Charleville-Mézières qui font polémique. Il a annoncé que le maréchal Pétain ferait partie de la liste des 8 maréchaux honorés le 10 novembre prochain aux Invalides. Le maréchal Pétain a été pendant la Première Guerre mondiale aussi un grand soldat. Voilà. C'est une réalité de notre pays. C'est aussi ce qui fait que la vie politique, comme l'humaine nature, sont parfois plus complexes que ce qu'on voudrait croire. On peut avoir été un gros soldat à la Première Guerre mondiale et avoir conduit à des choix funestes durant la Deuxième. Ces propos ont agité différents partis politiques et scandalisé le CRIF. Un historien interviendra pour réagir à ces déclarations choc. Plus de détails dans le MAC politique présenté par Théo Andrieux et William Baudry. Autre point fort de la journée, les midterms. Kevin DeCarvalho reviendra sur les résultats de l'élection de la mi-mandat américaine, sur les différentes réactions politiques, dont celle de Donald Trump. Alexandre Bratek, quant à lui, vous présentera le portrait de trois élus qui vont faire bouger le Congrès américain. Trois femmes, les démocrates Alexandra Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib et Gian Omar. Guillaume Bruant reviendra sur les élections de Madagascar qui se déroulent aujourd'hui. 10 millions de malgaches sont appelés à voter pour 36 candidats, dont 3 favoris. Depuis 15 ans, la Grande Île a tout connu. Coup d'État, tentative de destitution, démission. À la mi-journée, on comptabilisait 40% de participation de vote, des élections importantes pour le pays. Le prix Goncourt, décerné aujourd'hui. Nicolas Mathieu est récompensé pour son deuxième roman, « Leurs enfants après eux ». Le roman raconte l'histoire de deux adolescents qui rêvent de liberté. C'est le roman de la France périphérique, comme l'explique l'auteur. Daniel Giacomella reviendra sur cet événement culturel. Côté météo, le ciel est principalement pluvieux aujourd'hui. À l'ouest, quelques éclaircies font leur apparition. À l'est, les nuages sont nombreux. Il fait entre 8 et 15 degrés. Il fait 15 degrés à Marseille, 11 degrés à La Rochelle, 10 degrés à Amiens et 9 degrés à Nantes. C'est la fin de ces titres. Pour l'heure, retrouvez Dove et toute son équipe dans le Drive sur Studex Web. Merci Tony. Studex Soir, le journal de la rédaction, ce sera à 18h. Studec, l'infotrafic. Luna, comment ça se passe sur les routes? Alors, pas de chèvre sur l'A46 de mon côté. En revanche, le trafic est très dense en Ile-de-France. Trafic notamment lié au trajet travail-domicile. On compte actuellement plus de 200 km de bouchons autour de la capitale. Évitez l'A15 pour rejoindre Paris. Privilégiez plutôt la N184 et l'A13. Un point lourd en panne sur l'A15 Paris-Provence n'arrange rien. La voie de droite y est actuellement fermée. Et attention, beaucoup de retards sont à prévoir sur la ligne P du Transilien entre Éblis et Gare de Crécy-la-Chapelle, en cause des travaux sur les voies. Merci Luna pour toutes ces informations. Vas-y chérie, c'est bon, ça passe. Ça passe, ça passe. Ça passe pas. Ça passe. La marche arrière sur Studec Web. Ça va encore me coûter une blinde en carrossier cette histoire. Le dernier indice pour vous permettre de trouer l'année que nous recherchons. Trouver c'est l'année. Maintenant avec toi, Rémi. On va retrouver l'année. Ouais. T'as dit trouver l'année. Trouver l'année. Donc je récapitule. On a l'année de sortie du film Trop belle pour toi, de la mort de Dali, la diffusion de la série Navarro. Et puis cette année-là, durant l'année que vous cherchez, c'est la chute du mur de la honte, du mur de Berlin, ce qui marque la fin symbolique de la guerre froide. Les télévisions du monde entier relaient l'événement extraordinaire qu'est l'ouverture du mur. Elles le décrivent comme un symbole de paix, de retour à la liberté et de communion du peuple allemand. En quelle année a eu lieu la chute du mur de Berlin? À vous de trouver et d'envoyer votre numéro de téléphone par message privé sur la page Facebook Studec Web. Un d'entre vous sera tiré au sort et passera à l'antenne pour nous proposer, bien entendu, sa réponse. Laissons place maintenant à un titre qui donne la pêche. sorti durant l'année que vous devez retrouver. Voici Philippe Lafontaine et son Cœur de loup. Alors, c'est quelle année ça? Cherchez bien, vous n'êtes sûrement plus très loin. Cœur de loup, parle-t-on tout lui dire, parle-t-on tout lui dire, juste assez pour tenter la satire qu'elle sent que je veux lui plaire. Sous le fil de l'emballage, la lubie de faux filet, la folie de rester sage si elle veut ou pas l'embrasser. Quand d'un coup d'elle se déplume, mon œil lui fait de l'œil. Même ululée sous la lune ne me fait pas peur pourvu qu'elle veille. Je n'ai qu'une seule envie, me laisser tenter. La victime est si belle et le crime est si gai. Pas besoin de beaucoup, mais pas de peu non plus. Par le biais d'un billet fou, lui faire savoir que je n'en peux plus. C'est le cas du kamikaze, c'est l'ABC du condamné, le légionnaire qui veut l'avantage des voyages sans s'engager. Elle est si frénésie, sous mes bordées d'amour. Je suppose qu'elle suppose que je l'aimerai toujours. Le doigt sur l'aventure, le pied dans l'inventaire. Même si l'affaire n'est pas sûre, ne pas s'enfuir, ne pas s'en faire. Je n'ai qu'une seule envie, me laisser tenter. La victime est si belle et le crime est si gai. De mentir, ni de quitter la scène. Yep, elle aura beau rougir, de toute façon, il faut qu'elle m'aime. Je n'ai qu'une seule envie, me laisser tenter. La victime est si belle, et le crime est si gai. Pas le temps de tout lui dire, ni de quitter la scène. Yep, elle aura beau rougir, de toute façon, il faut qu'elle m'aime. Pas le temps de tout lui dire, de ni de quitter la série. Et elle aura beau rougir de toute façon, oh là là, il faut qu'elle m'aime. Pas le temps de tout lui dire, de ni de quitter la série. Et elle aura beau rougir de toute façon, il faut qu'elle m'aime. Pas le temps de tout lui dire, de ni de Studeg Web avec Cœur de loup, titre sorti l'année que nous recherchons dans la marche arrière. Mesdames et messieurs, bienvenue au sein de notre compagnie GPS Airlines. Je serai votre commandant de bord pour ce voyage au bout du monde. Mon équipage et moi-même vous souhaitons un agréable vol. Laissez-vous driver. 24 heures dans le monde, la parenthèse enchantée sur Studeg Web. En plus de vous informer sur le trafic, Luna bosse comme une malade pour vous dénicher les informations insolites. Qu'est-ce que t'as trouvé aujourd'hui ? Eh bien Dove, comme tu le sais, cette semaine est une semaine très importante pour l'histoire de France. Dimanche, nous célébrons le centenaire de l'armistice. Et pour participer à cet événement, j'ai ressorti mes livres d'histoire pour te dégoter des histoires insolites que personne n'aurait jamais imaginées. Alors pour commencer, les garçons, est-ce que vous connaissez le dessin animé Vaillant ? En tant que pigeon voyageur, nous avons le devoir de transporter des messages dans les... Bah bien sûr que je connais ce film. Enfin, je l'ai vu il y a longtemps. Mais je vois que vous êtes très motivé en tout cas par ma chronique. Ah non, moi c'est pareil. Hein. Moi je regardais ça quand j'étais petit. Le petit oiseau là qui fait la guerre, je sais pas quoi. Exactement. Ouais, c'est ça, exactement. J'aimais bien ça. En tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire d'un petit pigeon frivole et casse-cou qui se met au service de la France pendant la guerre. Sa mission est simple, livrer des messages. Alors si cette histoire est bien mignonne, il s'avère que les pigeons ont vraiment été utilisés pendant la guerre. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ils n'étaient pas utilisés que pour délivrer des messages. On s'en servait aussi comme photographe. Je m'explique, ils étaient tout simplement dressés pour prendre en photo la position des ennemis depuis le ciel. En gros, c'était des drones. Comme quoi, la technologie n'a pas vraiment inventé grand-chose. Autre stratégie pour duper l'ennemi, le trompe-l'œil. Et oui, les Britanniques ont trouvé un moyen de camoufler les bateaux. Ils peignaient des dessins psychédéliques sur leur coque. avec des graphiques en perspective. Comme ça, il était impossible à l'ennemi d'estimer la distance à laquelle il se trouvait. Impossible donc de savoir s'ils étaient proches ou au contraire très éloignés. Cette technique permettait donc aux bateaux britanniques de s'approcher de leurs ennemis sans difficulté. Et pour ceux qui aiment la moto, cette info va vous plaire. Et oui, toujours chez nos amis britanniques, pour rentrer dans le camp ennemi, eh bien ils utilisaient des mini motos pliables, ce n'est pas une blague. Alors on était bien loin du design de la Harley Davidson, mais l'avantage c'est qu'elle ne prenait pas beaucoup de place et pouvait être parachutée en même temps que les soldats. Décidément, ils ont de la suite dans les idées, les Britanniques. Une dernière info, Luna ? Tout à fait, c'est même mon info préférée. Il s'agit d'une technique inventée pour tester les avions. À l'époque, pas d'ordinateur, pas de logiciel ni de machine sophistiquée pour tester le bon fonctionnement des avions avant leur décollage. Mais à l'époque, ils avaient bien mieux. Ils plaçaient les avions devant une soufflerie géante très puissante pour vérifier que toutes les pièces étaient bien attachées. C'était une sorte d'énorme sèche-cheveux. Donc si un boulon finissait sur le sol après son brushing, ce n'était en général pas bon signe. Ingénieux, non ? Ah, très ingénieux, je fais la même avec Rémi pour vérifier qu'il n'est pas obsolète. Je prends un sèche-cheveux, je le braque sur sa tête et s'il perd ses cheveux, c'est mauvais signe. Merci Luna. Vas-y chérie, c'est bon, ça passe. Ça passe, ça passe. Ça passe pas. Ça passe. La marche arrière sur Sidekweb. Ça va encore me coûter une blinde en carrossier cette histoire. On accueille Julien pour jouer avec nous. Salut Julien. Salut l'équipe, salut Dove. Tu nous écoutes d'où plutôt précisément ? Je vous écoute de Bordeaux. De Bordeaux en bordelais. Salut Julien, tu joues avec nous cet après-midi pour repartir avec un pack Studekweb et une visite de nos studios. J'ai donné tout au long de l'émission 4 indices qui t'ont très certainement permis de retrouver l'année recherchée. Je vais te les redonner vite fait. En premier, nous avions un extrait du film Trop belle pour toi sorti cette année-là. Il y avait aussi l'année de la disparition de Dali, la chute du mur de Berlin, la première diffusion de Navarro à la télé. Et puis on a également écouté le titre Cœur de loup de Philippe La Fontaine sorti cette année-là. Alors Julien, qu'est-ce que tu nous proposes ? Moi, j'ai pensé à l'année 1989. Ah, il y a du vin à Bordeaux ? Un peu. Tu as dit quelle année ? 1989, je dirais. Bah écoute Julien, on va vérifier ça. Bon, bah ça me paraît bon. Bah oui, c'est gagné. Yes. Ça me paraît bon. Eh ben en tout cas, bien joué à toi. Écoute Julien. Bravo Julien. Donc tu repars avec ton pack Sudekweb, la visite des locaux. On rejoue demain, une nouvelle année. Tu peux même encore tenter ta chance si tu veux un deuxième pack Sudekweb. Ne soyez pas dégoûté d'avoir perdu, vous aurez votre chance, vous également. Julien, je te fais un gros bisou, à la prochaine. Merci beaucoup. À bientôt bisous, Julien. À la prochaine. Touch me like you never touch somebody before. You are made up your dreams, mixed with champagne, for sure. Do you ever wonder how good life could be? You don't have to wonder, just be next to me. There's a fire in my soul, it's the gasoline in you, make it burn out of control. You can put it out. Come on over, put it out. Web, il est 17h55. Vous êtes arrivé à destination. Ah bon, mais c'est une intersection là, je fais quoi, droite ou gauche? À gauche. À droite. Oh mais faites demi-tour, débrouillez-vous, à la base je voulais être chanteuse moi. Bon, c'est pas grave, laisse tomber, moi je vais plutôt. L'intersection sur Studio Web. L'intersection, qu'est-ce que c'est? C'est un quiz de vitesse entre les animateurs contre la journaliste. Vous allez me dire, il est tout seul, elle est tout seule, pardon, c'est une fille, elle est tout seule, c'est pas juste, tatati, tatata, mais connaissant le niveau de culture générale de Romain, je miserai une petite piécette sur Luna. Hop, hop, hop, hop, hop, hop, qu'est-ce que tu me racontes? Oh là là, comme c'est drôle! Tu vas pouvoir me faire mentir. Ouais, bah, j'espère bien. Le thème de ce quiz aujourd'hui est le Moyen-Âge. Attention, je serai arbitre, je compte les points. Première question. Au Moyen-Âge, comment les chevaliers vérifiaient s'il y avait du poison dans leur coupe de vin? Ils trinquaient. Comme on le fait aujourd'hui. Ils trinquaient. Bon, je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. Okay. Tu es peut-être plus intelligent qu'il n'y paraît. Ils trinquaient 1-0 pour les animateurs. Et bim. Deuxième question. Comment on appelait les villages fortifiés du Moyen-Âge? Il y a un petit piège. Ah ouais, des villages fortifiés. Des citadelles? Non, le journaliste, je l'entends pas beaucoup, dis donc. Tu représentes nos fiers confrères. Des forts. Bon, en fait, il n'y a pas de piège. C'est le mot le plus simple au monde. C'est deux mots, vous le connaissez? Pas du tout. Les châteaux forts, les amis. Ah oui, bah, j'ai bien un fort, moi. J'ai bien un fort. Eh ben, c'était presque. C'était les châteaux forts. Attention, qu'est-ce qu'une catapulte? Une arme. C'est une arme. Allez, un peu plus de... Bah, je sais quel est son ancêtre. Une arme. Bah c'est, oui, une catapulte, c'est ça. Il y avait une boule, une pierre. À longue portée. Je l'avoue. Voilà, une arme à longue portée. Mais c'était un petit piège. Bon bah les animateurs ont gagné parce que la journaliste apparemment. Alors on en est au niveau de ma culture oui, là. Oui, je m'appelle la journaliste. Ouais, c'était pas terrible. Mais bon, c'est pas grave, ça arrive. C'est des choses qui arrivent. 18h, bientôt la fin du GPS approche à 18h. Merci à tous de nous avoir écoutés, de nous avoir choisis. C'est la fin. Je vois vos messages, c'est super sympa, ça donne envie de continuer. Et on sera là demain avec toute l'équipe. Le journal du Studec Web, Studec Soir, c'est dans 3 minutes après ce titre qui nous remet dans l'ambiance disco. YMCA des Village People sur Studec Web. À demain. Sure.